Je voudrais parler des mots des livres, enfin de ceux qui sortent des pages, de ceux qui t'enveloppent quand tu relèves la tête pour descendre à la bonne station, de ceux qui restent et t'accompagnent pendant un bout de vie. J'avais 10 ans, c'était la fin de l'année de CM2, j'allais enfin entrer au collège et j'avais choisi de ne pas aller en classe bilingue allemand, en grande partie parce que je trouvais cette langue râpeuse, c'était pas mon mot de l'époque. Mais ça résume assez bien l'idée. Je venais de lire le journal d'Anne Frank pour la deuxième fois de suite. Un après-midi, la maîtresse nous prend à part avec un autre garçon pour nous demander pourquoi nous ne voulions pas faire allemand, vu que nous étions des bons élèves. Je passe sur ce que c'est du système. Elle se tourne vers moi. Ta maman m'a dit que tu as lu le journal d'Anne Frank. Mais tu sais, ça n'a rien à voir. Je savais que ça n'avait rien à voir. J'étais très consciente que allemand ne voulait pas dire nazi. Mais c'était un truc plus profond. Enfin, je comprenais pas totalement et je pense que je comprends pas encore. Je pouvais juste pas faire ça. J'avais 10 ans. Elle en avait 12 au début de son journal. J'avais même repris le nom de son ami imaginaire, Kitty, pour écrire le mien. J'avais même volé au CDI. Enfin, j'avais pas vraiment volé, j'ai juste jamais rendu ce livre. Un livre qui a été écrit par son ami d'enfance qu'il a revu dans les camps. Et ces mots sont restés. Et j'ai jamais su très bien l'expliquer. Alors, en réfléchissant au livre qui avait pu marquer ma vie, j'ai tout de suite pensé à Kabukaboche de Daniel Pennac, qui a changé définitivement mon regard sur les chiens qui pissent dans la rue. Et je me rappelle toujours de ce livre quand je le regarde. Le livre parle d'une amitié entre une petite fille et un chien, dont on entend les pensées. Et à de nombreuses reprises, le père de la fille se plaint que le chien passe à chaque fois un temps fou à aller pisser un peu partout. Jusqu'à finir, je suis désolée du spoil, par l'abandonner sur une aire d'autoroute. Et le chien retrouve sa trace par l'odeur de sa pisse jusqu'à Paris et saccage l'appartement avec ses amis les animaux. Et là, on entend le chien penser. Voilà, c'est pour ça que je pisse partout, pour pouvoir retrouver mon chemin. Et c'est tout con, mais maintenant je peux pas m'imaginer d'imaginer ces. Je peux pas m'empêcher d'imaginer cette petite voix hargneuse quand je vois un chien qui pisse. Après, les mots des livres peuvent rendre la réalité un peu triviale, magique. Ils peuvent aussi la rendre un peu fade. Par exemple, l'été de mes 12 ans, en colo de vacances, j'ai roulé ma première pelle. Et c'était clairement pas un grand moment. Et je pense que lire Raison et Sentiment de Jane Austen au même moment. Alors, je sais pas pourquoi j'avais décidé d'amener ce gros pavé en colo. Ça a juste souligné la maladresse qu'on avait. Et j'étais vraiment en mode, tout ça pour ça, toutes ces pages pour ça. Ce qui m'a fait rire aussi quand j'ai commencé à réfléchir à ça, c'est l'impact que peuvent avoir certains lieux sur les mots qu'on lit. Et qui du même coup laisse une trace sur ces espèces. Alors, par exemple, je vais toujours au même laboratoire d'analyse médicale pour faire des prises de sang. Un samedi, j'ai dû attendre 1h30. Heureusement, j'avais amené un petit livre un peu au hasard parce qu'il n'était pas très lourd et qu'il rentrait dans mon sac. C'était L'événement d'Annie Ernaux. Alors elle raconte l'histoire de son avortement. Elle raconte l'histoire de sa rencontre avec une avorteuse clandestine. Elle les aiguilles. Le jugement des médecins, la douleur, le mensonge. Et lire tout ça dans une salle d'attente, ça m'a fait entrer dans un espèce d'espace-temps. J'étais ailleurs. Et ça m'a juste fait réaliser à quel point moi je serais jamais dans cette position. Et du coup, j'avais pas de stylo, alors j'ai pris un crayon pour les yeux, bon, c'est pas très hygiénique, et j'ai écrit sur la dernière page, 24 mars 2018, lu dans une salle d'attente pour une prise de sang. Et on en vient à la dédicace. Depuis que je m'achète mes propres livres, je les dédicace. J'écris la date à laquelle je l'ai acheté, des fois pourquoi j'ai choisi ce livre, où est-ce que je l'ai lu. En fait, je le rends unique. Je dépose une partie de moi. Et c'est parfois ce qu'on fait quand on relit un livre. On relit aussi une partie de soi. En septembre, j'ai relu Aurélien d'Aragon, que j'avais jamais terminé, mais qui m'avait beaucoup marqué il y a 1 an et demi. Et en relisant ces mots, je me voyais, moi, transportée par l'écriture. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai pas vraiment aimé le livre quand je l'ai relu. J'étais pas d'accord avec cette idée de l'amour idéalisé, de l'amour qui fait mal, de l'amour calculateur, de l'amour compliqué. Mais à travers les mots, je voyais comment j'avais changé. Je dédicace aussi les livres que j'offre. Et maintenant, j'hésite pas à les écrire et à mettre un peu ce que je pense. Et tout a commencé le jour où une fille m'a dit: la pire chose que tu peux faire à un livre, c'est de pas le lire. Et depuis cette phrase, elle est tout le temps dans ma tête.